Superfail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Superfail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Superfail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Superfail. Le drame du téléphérique de Stresa en Italie, qui a fait 14 morts le 23 mai dernier, nous touche et réactive également certaines peurs que nous avons tous, celles que l'on peut par exemple éprouver dans une cabine de téléphérique ou bien sur un télésiège. Chacun sait que les accidents dans ces modes de transport sont extrêmement rares, mais cela ne nous empêche pas d'éprouver parfois des sensations mitigées lorsqu'on emprunte ces moyens de transport. Une raison de plus pour comprendre comment un tel drame s'est produit dans l'actualité. Il est d'ailleurs largement question pour expliquer ce drame d'un frein de secours qui a été désactivé. Mais à quoi sert un frein de secours et comment empêcher qu'un tel dispositif puisse être désactivé? En équilibre à flanc de colline retenu par les arbres, la cabine du téléphérique a été broyée sous l'effet du choc. La carlingue est détruite. Les fenêtres ont explosé. Les corps sont évacués avec précaution sur ces civières. Dans cette zone escarpée, les secouristes italiens constatent la violence de l'accident. Les riverains ont entendu un énorme vacarme. J'ai entendu un énorme boom. J'ai eu l'impression que quelque chose roulait, puis un autre coup. J'ai eu la chair de poule. Vous avez vu quelque chose juste après ? Non, juste un énorme silence. Sans cette pièce métallique rouge, le téléphérique ne serait sans doute jamais tombé. La mort de 14 personnes aurait pu être évitée. C'est désormais une certitude, c'est une décision humaine qui est à l'origine du drame. 3 hommes ont été incarcérés ce matin. Le dirigeant de la société de gestion, les directeurs et chefs opérationnels du téléphérique mis en examen pour homicide involontaire. Ils ont reconnu avoir décidé d'installer cette pièce rouge, appelée fourchette, pour bloquer le système de frein d'urgence, l'empêcher de se resserrer. Sans cette fourchette, quand le premier câble s'est cassé, ce frein aurait empêché la chute mortelle de la cabine. Pour comprendre ce qui s'est passé, vous allez entendre Daniel Pfeffer. Il est ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur du service technique des remontées techniques et des transports guidés, un service à compétence nationale chargé de la sécurité des transports de voyageurs par remontée mécanique. Écoutez-le. Ce que l'on sait aujourd'hui, puisque l'enquête est en cours, nous n'avons pas tous les éléments, c'est qu'en effet, le frein de sécurité a été désactivé. Alors à quoi sert ce frein ? Ce frein sur ce type d'appareil sert, en cas de rupture du câble tracteur, à bloquer la cabine et à l'arrêter. En fait, vous êtes sur un téléphérique où vous avez un câble tracteur et un câble porteur, donc le téléphérique roule sur le câble porteur et est tiré par le câble tracteur. Donc si le câble tracteur casse, le frein permet d'éviter que la cabine ne tombe. Alors ce qui a dû se passer, c'est que ce frein se déclenchait de façon intempestive, et donc l'exploitant, plutôt que de résoudre le problème comme il aurait dû le faire, a préféré neutraliser cette sécurité. Évidemment, neutraliser une sécurité, c'est quelque chose qui est parfaitement inadmissible, puisque cela peut conduire à un accident, et ça a été le cas malheureusement. Mais pourquoi ce câble s'est-il rompu ? S'agit-il d'un phénomène courant ? Alors non, c'est vraiment très exceptionnel. Le dernier exemple que j'ai, je crois, c'est un avion de militaire qui avait coupé un câble en Italie il y a plus de 20 ans. Donc des circonstances vraiment exceptionnelles. Alors c'est vraiment extrêmement rare. Cela dit, nous avons ce genre de téléphérique, deux types de technologies. Nous avons la technologie, j'allais dire, ancienne, qui est celle que nous avons là, où le câble, en pratique, n'auront pas souvent, ou n'auront pas même, mais nous n'avons pas une garantie à 100% qu'ils ne puissent pas rompre, donc on met un frein. Et puis, nous avons des technologies plus modernes, et c'est celles qui se développent depuis maintenant une quarantaine d'années, sur laquelle le câble tracteur est sécurisé. C'est une boucle qui est fermée, qui est surveillée, qui est contrôlée beaucoup plus souvent, qui a des coefficients de sécurité adaptés, et donc ce qui permet de garantir que le câble ne cassera pas. Et dans ce cas-là, on peut se passer de ce dispositif de frein qui présente aussi des inconvénients parce que c'est un dispositif qui est lourd, qui nécessite beaucoup de maintenance. Il Dans le cas de ce drame, les causes de la rupture n'ont pas encore été identifiées. Alors, c'est bien sûr difficile dans le cas présent de se prononcer. On peut imaginer un câble usé, c'est une hypothèse qui n'est pas forcément la plus probable, parce que on sait quand même que c'est un téléphérique qui avait un contrat de maintenance par une entreprise sérieuse, qui a priori devait être contrôlé régulièrement. Après, s'il a cassé, il y a sans doute eu un événement, mais qui reste à définir, qui a provoqué cette casse de façon rapide, puisque, comme je vous disais, il est contrôlé régulièrement, et normalement, entre deux contrôles, il ne veut pas s'user. Connaît-on des drames semblables causés par la négligence des exploitants ? Alors, on a eu un autre accident que tout le monde a en tête en 99 au pic de Bure, qui n'est pas directement comparable puisque la cabine avait glissé sur son câble tracteur suite à un problème de maintenance. D'une part, c'est-à-dire que la cabine s'était désolidarisée du câble, d'une part, et d'autre part, le frein avait lui carrément été démonté, sans bien sûr prendre de mesures compensatoires. Donc ça, c'est vraiment un accident un peu exceptionnel. Après, un point important pour nous, et nous mettons vraiment l'accent dans notre surveillance sur ce point-là, c'est le comportement de l'exploitant. On sait que, malheureusement, la tentation est forte quand vous avez une sécurité qui va se déclencher de façon intempestive, de la neutraliser. Nous avons eu des exemples, vous vous rappelez sans doute un accident mortel sur un tapis roulant en 2004 à Valsenis, par exemple. Une petite fillette avait été happée et malheureusement était décédée à l'extrémité du tapis, parce que la sécurité, justement, avait été désactivée, parce qu'elle se déclenchait sans doute de façon intempestive, avec de la neige ou d'autres problèmes. La montagne est en deuil. Dans la région de Saint-Étienne-en-Dévoluy, 20 personnes ont trouvé la mort dans la chute d'un téléphérique. Il s'agissait d'employés qui se rendaient à l'observatoire d'astronomie installé en haut du pic de Bure à 2700 mètres d'altitude. La cabine a fait une chute de plus de 80 mètres. Pour l'instant, on ignore la cause de cet accident. Jean-Pierre Chevènement et Martine Aubry se sont rendus sur place alors qu'une chapelle ardente a été dressée dans ce petit village d'un peu plus de 500 habitants. Dans ce journal, les reportages de nos envoyés spéciaux. Et puis nous rejoindrons en direct le maire de Saint-Étienne-de-Dévoluy, M. Jean-Marie Bernard. Samedi dernier, quand la petite Agathe s'engage sur ce tapis roulant, les skis sous le bras, aucun système de sécurité n'est en fonction. C'est la première certitude des enquêteurs pour expliquer le drame qui a coûté la vie à la fillette. Lorsqu'elle a été happée par le mécanisme, une première sécurité aurait dû fonctionner. Ce volet qui neutralise le tapis en cas de choc. Deuxième sécurité, une cellule photoélectrique placée à côté du volet. Quand il est branché, ce système est très sensible. Le directeur de la station a même parlé de déclenchement intempestif. De là, on peut penser que lassé d'intervenir sans cesse sur le même tapis roulant, celui qui était chargé de l'entretien avait peut-être jugé bon, par commodité pour lui, de débrancher purement et simplement. Mais alors, une solution pour éviter ce genre de drame serait peut-être de retirer aux exploitants la possibilité de désactiver les mécanismes de sécurité. Alors, le frein doit pouvoir être désactivé dans certaines conditions. Je dirais, il est normal, par exemple, de le désactiver le soir pour la cabine qui va être en haut. Pourquoi ? Parce que s'il se déclenche quand la cabine est en haut et que tout le monde est en bas, vous n'allez pas pouvoir faire démarrer l'appareil. Donc une procédure normale est de désactiver le frein le soir quand la cabine s'arrête et de le réactiver le lendemain matin. Donc c'est normal de pouvoir désactiver une sécurité en règle générale, parce que parfois une sécurité peut vous bloquer complètement un appareil, mais par contre dès qu'on désactive une sécurité, ça nécessite bien sûr d'avoir des mesures compensatoires très fortes. Alors bien sûr, le frein, on ne va pas le désactiver quand il y a du monde dedans, mais je pense à d'autres sécurités, par exemple vous avez des sécurités qui empêchent le téléphérique de partir avec les portes ouvertes. Vous pouvez très bien la désactiver si ça ne marche pas. Mais dans ce cas-là, vous mettez en place une surveillance renforcée pour vérifier que les portes sont bien fermées. Donc l'exploitant peut désactiver dans certaines conditions certaines sécurités, mais à condition de mettre en place une mesure compensatoire adaptée. En France, le risque qu'un accident de même nature ait lieu semble moindre. La technologie utilisée par la télécabine italienne est moins utilisée. Sur les 51 appareils présents en France, seulement 13 ont un frein d'urgence aujourd'hui. Et les télécabines disposant encore d'un frein sont étroitement contrôlées, selon Daniel Pfeffer. Alors bien sûr, il y a toujours un responsable de la sécurité. Sur des transports urbains, on va même exiger que ce soit une personne complètement indépendante de l'organisation qui puisse avoir un regard extérieur. Et deuxièmement, nous avons un système de gestion de la sécurité qui va définir toutes les procédures, mais aussi toutes les responsabilités, toutes les qualifications de tout le personnel. Et bien sûr, les procédures qui sont à appliquer en cas de problème font l'objet d'un regard tout à fait particulier. Donc oui, il y a des procédures pour ce genre de choses. Et si on permet dans la procédure de désactiver un frein, encore une fois, dans le cas présent, il n'y aura pas de frein, mais désactiver une sécurité, quelle qu'elle soit, il y a forcément une procédure qui prévoit comment on va prendre une mesure compensatoire. Et il y a certaines sécurités qu'on ne désactivera pas du tout et on arrêtera l'appareil. Mais alors, Daniel Pfeffer, sommes-nous en sécurité quand nous utilisons les moyens de transport en montagne ? On est sur un système le plus sûr qui existe. Je vais vous donner quelques statistiques. Nous avons transporté environ 600 millions de passagers par an ces dernières années. Sur 600 millions, on a eu entre 20 et 30 blessés graves qui sont principalement liés à des accidents, à des chutes de télésièges ou de téléski. Nous avons eu aucun mort. Le dernier mort remonte à 2013. Je vous le rappelais sans doute, c'était la chute d'un passager d'un télésiège à Gourette qui était tombé du siège. Mais c'est vraiment, vous voyez, on est sur des chiffres très faibles. Si vous prenez d'autres systèmes de transport, vous avez quelques morts par an sur les métros, par exemple. Enfin, non, pour 2 milliards de passages. Vous voyez, on est vraiment sur des chiffres extrêmement faibles. Et en fait, l'accident de... Là, je parle du chiffre global, mais quand on parle de télécabine, puisque là on est en train de parler de téléphérique et télécabine, donc de véhicules fermés, hein, ce qu'on va retrouver en ville notamment de plus en plus. Le dernier accident que je connaisse, c'est l'accident en France, c'est l'accident de Chamonix où une personne un peu alcoolisée était passée à travers une vitre en 2008. Mais vous voyez, on est vraiment sur des accidents extrêmement rares. Et heureusement, je dirais, hein, et nous faisons tout ce qu'il faut, bien sûr, pour que cela reste rare. Le sens de l'histoire, ce pourrait être de supprimer ces mécanismes qui permettent de parer temporairement à une défaillance, en l'occurrence le frein de secours, mais peuvent déboucher sur des drames. Paradoxalement, la sécurité, cela consiste peut-être à supprimer certains mécanismes destinés à sécuriser des installations. Superfell a été gâché à la production par Juliette Devaux, dévasté à la technique par Stéphane Poitvin et gâché à la réalisation par Vivien Demeyer et Massimo Bellini. Superfell.